Bah alors, tu finis pas ta bière ? Oh non, il y en a trop. 33 centilitres, ça fait vraiment beaucoup. Hein. De toute façon, la première gorgée, c'est la seule qui compte. Celles qui suivent ne donnent qu'un empattement tiédasse. Eh ben, fais comme moi, désaltère-toi avec la bière Heine de Lerme. Grâce à son nouveau format en canette 6 centilitres, la bière Heine de Lerme se boit d'une seule traite. Fini les restes gâchés après la première gorgée. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bonne. Allez, j'en prends une autre. Avec la bière Heine de Lerme, retrouvez à chaque fois la sensation fraîche et intense de la première gorgée de bière. Hé, hey, j'en suis à la 53e première gorgée. Elle est toujours aussi bonne. Hein. Allez, une autre. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bon, avec ce qui nous attend à l'élection présidentielle de 2017, je crois bien que j'ai besoin d'une vingtaine de premières gorgées, moi aussi. À le petit Fillon, qu'on va se prendre dans la gueule.